Gilda 91.3, programme Chéri FM. I Lie to You, la soul funk soft et sophistiquée de Charles Heidi, et tous deux seront, je vous l'annonce, en concert début mai à Paris à La Cigale, mais de cela on aura grand temps d'ici là d'en reparler. On va laisser maintenant la parole à France Gall et Elton John, après quoi on écoutera le Elton John américain, c'est-à-dire Billy Joel. Silver lining, we're no crime to make the headline news. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Je te donne mes espoirs cachés. Donner, tout donner.

leur lit par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70. 60 mais... durera toute une année et que les dieux les bénissent jusqu'en 70. 69. Fan érotique et à 21h, histoire d'amour sur le programme Chéri. C'est la continuité, c'est la logique des choses. Je vous souhaite de passer donc une agréable nuit en compagnie de Thierry de Brune. À demain, 17h. Salut. with the love you're building up. You gotta be mine. We take it away. It's gotta be now and then, just a matter of time. And we got nothing to begin to young. Our love will climb any mountain near or far. We are, and we never let it end. We are devotion. Histoire d'amour, 42, 48, 50, 50. Your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me, for who knows when we'll meet again this way. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. Elvis Presley sur Gilda, programme Chéri à Paris, en région parisienne, sur 91.3. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry de Brune, histoire d'amour jusqu'à minuit. Un numéro de téléphone pour prendre la parole, pour nous faire part de vos passions, vos frissons, vos émotions. C'est le 42 48 50 50. Chéri FM, la musique telle que vous l'aimez. Thinking back in time when love was only in my mind, I realized. second chance. You got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. That's how it was. And all those walks together, out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know. Laurent Voulzy dans le programme Chéri sur Gilda, programme Chéri à Paris en région parisienne sur 91.3. Laurent Voulzy qui est actuellement en concert au Casino de Paris avec le programme Chéri et un duo Patty Austin, James Ingram, Baby Come To Me. En attendant vos appels au 42 48 50 50 dans Histoire d'amour, on va savourer ensemble Alain Chamfort et Wilson Pickett. Quelqu'un m'a Wilson Pickett sur Gilda, programme chéri à Paris en région parisienne sur 91.3 avec In the Midnight Hour. Dans deux secondes, Renaud. Et juste après Renaud, nous accueillerons Edia. À l'honneur ce week-end sur le programme chéri FM. Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je disais je sais, je sais, je sais, je sais. Hey crooner, tu te sens pas ridicule, la main sur le cœur. Samedi 3 et dimanche 4 avril, les acteurs chantent sur le programme Chéri FM. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Bonne nouvelle, Monsieur Guy Rassi vous offre votre première consultation. Pour tous vos problèmes d'amour, de travail, famille, retour de l'être aimé, faites confiance à un grand médium africain reconnu dans le monde entier. Les résultats vous surprendront. Même pour les cas désespérés, avec Monsieur Guy Rassi, il n'est jamais trop tard. Consultation sur place ou par correspondance au cabinet Guy Rassi, 40 rue Gauthier, à Paris dans le 17e. Un simple coup de fil changera votre vie. 46 27 07 71, 46 27 07 71. Muriel Hermine présente, avec le programme Chéri FM et Le Parisien, son nouveau spectacle aquatique, Cyrella et les Trois Royaumes. Des effets spéciaux, des feux d'artifice, plus de 40 personnes dans l'eau, sur terre et dans l'espace, pour un spectacle encore plus fantastique. Location point de vente habituel au 42 00 22 24 et au 36 15 Chéri FM. Cyrella et les Trois Royaumes, le nouveau spectacle aquatique de Muriel Hermine, du 7 au 11 avril au Zénith de Paris. Avec le programme Chéri FM.